Radiomatic. la transmission 282 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du groupe KMFDM, une pièce de convenance, malheureusement pas de convenance joyeuse, mais qui se doit tout de même d'être entendue. La pièce Virus, le Pestilence Mix, se retrouve sur l'album de KMFDM intitulé Naive, Go to Hell, paru en 1993, et sur lequel on retrouve des versions alternatives de l'album Naive, paru en 1990. Les sonoristes sont des entités uniquement audibles, qui ne sont jamais influencées par les restrictions qui sont imposées par les enveloppes biologiques qui composent habituellement les êtres vivants. Nous ne sommes limités dans la réalisation de notre mandat que par les défaillances techniques qui peuvent altérer le bon fonctionnement des instruments et des machines que nous utilisons pour émettre nos transmissions jusqu'à vous. Tant que la technologie sera disponible et qu'elle restera stable, Audiomatic perdurera, même lorsqu'il n'y aura plus d'humains pour écouter. Audiomatic, nous avions droit au groupe new-yorkais Swans, mené par Michael Gira, et qui a été fondé en 1982 pour se séparer 15 ans plus tard, en 1997. Après un long hiatus, c'est en 2010 que Michael Gira ressuscite le groupe Swans et a fait paraître 5 albums studio au cours des 10 dernières années, dont l'album « To Be Kind » en 2014, duquel est tirée la pièce « Oxygen » que l'on entendait en conclusion de ce segment musical. Précédemment à Swans, il s'agissait du groupe montréalais Soons, pour qui Swans est en quelque sorte une de ses sources d'inspiration. De leur deuxième album « Images du futur » sorti en 2013, nous entendions la chanson « Minor Work ». Et pour débuter, nous vous avons présenté le projet canadien Caribou avec sa composition « Bowls », ici remixée par Gavin Rossum. La version originale de la pièce « Bowls » est parue sur l'album « Swim » lancé en 2010 et la version remixée que l'on entendait est extraite de l'album « Swim Remixes » paru la même année. Audiomatic se poursuit sur la musique de la formation « Port Royal ». Thank you. toujours à Audiomatique. Cette séquence musicale se concluait sur la musique de l'artiste John Hopkins et sa pièce Of Drifting Up, pièce apparaissant sur son troisième album Insides, sorti en 2008. Et avant John Hopkins, c'était la formation Port Royal et la pièce intitulée Regine Olsen. La pièce apparaît sur la première parution de Port Royal en 2002, soit l'album Kraken EP. On peut aussi retrouver cette pièce sur l'album double de Golden Age of Consumerism, qui retrace les EP, pièces apparaissant sur des compilations, remix et titres inédits de Port Royal entre 2000 et 2010. La transmission 282 d'Audiomatique se terminera sur la musique de Pain Station, l'un des projets de l'artiste américain Scott Sturgis, connu aussi pour son autre projet Converter. Donc nous allons entendre la pièce Desire de l'album Dead is Dead paru en 2001, qui est en fait le dernier album que Scott Sturgis a fait paraître sous l'égide de Pain Station. Malgré les apparences, il n'y a jamais eu de véritable certitude en ce bas monde, mais les sonoristes prennent tout de même l'engagement de vous présenter la transmission 283 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Nous nous engageons également à rendre disponibles sur nos plateformes toutes les émissions qui seront diffusées. Vous n'avez qu'à visiter, entre autres, le facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour peu importe la raison en nous envoyant vos messages à audiomatique-cfou@gmail.com. Voici donc Pain Station et Desire. C'était Audiomatique avec les sonoristes.